Dossier 1. Chers auditeurs de la radio MB, suite à notre reportage sur la Semaine mondiale de la lutte contre la faim, qui est à son deuxième jour, l'un des participants à cette activité est avec nous dans les studios. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous présenter votre association en quelques mots ? Bonjour, notre organisation, nommée Un repas pour tous, a pour but d'offrir une alimentation équilibrée aux personnes démunies. Surtout quand on sait que des millions de personnes dorment le ventre vide et vivent dans la tristesse et le désespoir. Notre association peut servir plus de 200 000 repas par an. Comment pouvez-vous servir un si grand nombre de personnes ? On reçoit des dons et on organise une banque de repas locale qui se trouve dans plusieurs quartiers. Puis on distribue ces repas aux personnes qui se trouvent dans la même zone. Nous sommes nombreux et toujours présents de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, sauf le mercredi, pour recevoir et distribuer les repas. Une belle initiative et qui semble très efficace. Merci, monsieur. Chers auditeurs, notre reportage continuera demain. Merci de votre écoute.